Fort intérieur avec Michel Serre. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Le vers est connu, mais il vous va si bien, monsieur, que je n'ai pas résisté à le mettre en exergue à cette rencontre. Libre, vous nous dites que par vergogne, vous ne parlez jamais de la liberté dans vos ouvrages de philosophie, mais que vous avez eu à la conquérir durement dans votre vie pour écrire et pour penser. Quant à la mer, elle est directement dans votre formation d'ancien élève de l'école navale et métaphoriquement dans votre pensée qui déteste l'enclos, qui aime s'aventurer sur de grandes étendues, gronder à certaines heures, charmer à d'autres, toujours surprendre. Rappelons Michel Serre que vous êtes né à Agen, qu'en plus de l'école navale, vous avez été élève de l'école normale supérieure, cas unique, dit-on, agrégé, professeur, notamment à Stanford et à la Sorbonne, mais je ne cite pas tous les lieux où vous avez enseigné. Vous êtes membre de l'Académie française, ce qui n'est pas mal pour un rebelle. Vous êtes auteur de plus de 25 ouvrages où se côtoient la science, la philosophie, la littérature, le droit, la religion, le politique, l'art, en un mot, la connaissance, à condition qu'elle reste ouverte et mobile. Je ne sais ce que vous pourriez répondre à quelqu'un qui vous demanderait quel est votre apport principal. Sans vouloir aucunement me substituer à vous, laissez-moi lancer un mot, non pour vous définir, tâche impossible, je l'espère, mais pour tenter une silhouette. Ce mot serait « ouverture » et il contiendrait naturellement l'avenir. Professeur éveilleur, écrivain dérangeur, il manque une étiquette, éditeur. Car c'est vous qui, patiemment, depuis des années, publiez le corpus des œuvres de philosophie en langue française, un travail monumental de 99 volumes plus 1, écrit par vous, aux éditions Fayard, auquel donc vous avez ajouté ce centième, cet éloge de la philosophie en langue française, et vous avez l'intention de poursuivre le plus longtemps possible, 300, peut-être, pourquoi pas, plus de volumes. Et ce dernier volume, cet éloge de la philosophie en langue française, devrait être, à mon sens, le livre de chevet de tout honnête homme de chez nous qui voudrait penser. De vos autres ouvrages, je citerai une petite sélection seulement, Hermès, les 5 volumes, dont le premier a été publié en collection de poche, tous les autres aux éditions Minuit, Genèse, chez Grasset, Les 5 sens, chez Grasset, Statue, aux éditions François Bourin, Le contrat naturel, aux éditions Bourin, Le tiers instruit, chez François Bourin, et la légende des anges, accompagnée de belles illustrations aux éditions Flammarion. Avant d'essayer de saisir un des multiples fils rouges qui courent dans votre œuvre, j'aimerais remonter dans le temps, Michel Serre, et vous voir, enfant du sud-ouest, vous éveiller à la connaissance. Donc je vous vois, c'est un cliché sûrement, dans les chemins creux, faisant presque l'école buissonnière, et comme ça aux aguets de toute information que vous donnerez le monde et la nature. Certainement, je ne me vois plus parce que une question posée sur mon enfance a presque trait à la préhistoire. Mais en effet, l'accès à la connaissance, si j'ai un souvenir, le souvenir le plus lointain de mes lectures positives et presque encyclopédiques, ça a été la découverte, lorsque j'étais adolescent, ou plus jeune encore, de l'œuvre monumentale de Jules Verne. Et je me rappelle, enfant de la guerre, dans l'impossibilité absolue de quitter le pays, à l'âge de entre 9 et 14 ans, être circonscrit dans un endroit donné, presque prisonnier, n'est-ce pas ? Mes premiers voyages ont été... Le tour du monde en 80 jours, Les enfants du capitaine Grant, L'île mystérieuse et tant d'autres, Kéraban le têtu. Et j'ai découvert le monde entier sur la carte de géographie. Et probablement, cela m'a donné une passion fondamentale, qui est la passion du monde. au fond, lorsqu'on rencontre un littéraire, un philosophe, il est souvent historien. L'avez-vous remarqué? Eh bien, il se trouve que je suis plutôt géographe. Vous voyez, dans ce parallèle qu'on fait souvent entre les deux disciplines, l'histoire et la géographie, je suis plutôt géographe et même sur le tard, je me prends le soir à m'endormir en lisant plutôt un atlas qu'un livre de philosophie ou de littérature. Et avec Jules Verne, vous trouviez à la fois la science et l'invention, qui sont deux thèmes qui sont quand même très importants. Le monde, les hommes, le monde, les hommes, l'invention et la science. Vous avez raison. Oui. Et là, il y avait une sorte de respiration globale dans cette œuvre, qui a été pour moi sans doute une de mes plus lointaines inspirations. Qui aurait pu vous pousser d'ailleurs vous-même vers la fiction. Mais le choix que vous faites après vos études secondaires... Oui, c'est vrai. Et plutôt les sciences. Oui. En effet, j'ai plutôt été scientifique d'origine, avec un goût très prononcé plutôt pour les mathématiques ou la physique théorique. Je ne suis venu que beaucoup plus tard à la chimie, à la biochimie, et plus tard encore au droit, vous voyez. Mais en effet, plutôt les mathématiques et orienté aussi vers une découverte passionnée du monde. Ce blocage pendant la guerre et la lecture de Jules Verne a fait de moi un voyageur impénitent. J'aime le monde, j'aime le découvrir et je suis toujours impatient de partir. Je ne connais pas encore tel endroit. Avez-vous une liste? J'ai une liste. C'est-à-dire, je ne voudrais pas mourir avant d'avoir vu, alors j'ai une liste, un iceberg, une baleine, le pôle Nord, et ainsi de suite. Et à mesure, je raye la liste, mais comme je suis très hypocrite, j'ajoute encore des choses à la liste pour l'avoir toujours ouverte. Donc, cette impatience de voir, de rencontrer les choses du monde, et puis aussi, je crois, toutes les classes sociales, toutes les conditions humaines, a probablement été tout à fait décisif pour moi dans mon accès à la philosophie. Donc la rencontre est multiculturelle, dans la mesure où vous cherchez un paysage. Oui, un paysage. Oui, en même temps, une faune, une flore. Oui, mais surtout une société, les hommes. Et puis, je crois aussi que ce qui a été très important dans la formation, peut-être de ma génération, mais en tout cas de moi, ça a été la guerre, les souffrances de la guerre, les horreurs de la guerre, les bombardements, les cadavres dans les fossés, et toute cette abomination, c'est-à-dire les camps. Et pour finir, le heurt, je crois, le plus fort qui a été pour ma génération décisif, c'est Hiroshima Nagasaki, c'est-à-dire le Manhattan Project. Je disais souvent à mes étudiants, Hiroshima, le seul objet de ma philosophie. Je voulais dire par là que lorsqu'on était étudiant en sciences ou chercheur ou professeur de sciences, quelle que soit la science, jusqu'à une certaine époque, on pensait que la science était toute bonne et seule bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle avait servi à guérir les maladies, améliorer le sort des pauvres. Elle était toujours du bon côté. Et soudain, tout à coup, cette physique théorique que nous chérissions tant termine sa carrière dans l'horreur de l'explosion atomique. Enfin, depuis l'arbalète, vous saviez quand même que la science servait aussi aux hommes à s'entretuer. C'est juste. Mais c'était local. Et tout d'un coup, le danger que nous avons vu passer sur notre tête à l'époque d'Hiroshima et Nagasaki a été un danger global. Voilà, d'une destruction totale l'aventure humaine, voilà, de l'aventure terrestre. De l'histoire, de la géographie, c'est-à-dire de la planète et de l'humanité. Et par conséquent, la crise de conscience a été très, très violente. C'est ça. Donc on ne peut penser aujourd'hui qu'en intégrant cette rupture fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Il y a une rupture très forte. Et je dois dire que c'est à cause d'Hiroshima Nagasaki que j'ai bifurqué brusquement des sciences vers la philosophie. C'est-à-dire le retentissement qu'a eu cet événement. Avec l'école navale, vous choisissez les armes. Oui, l'école navale, je ne choisissais pas les armes. Je choisissais La mer et sa liberté. Toujours Jules Verne, voilà, c'est ça. C'était toujours la mer. Mon père avait un travail de marinier sur la Garonne et il est naturel qu'un fils de marinier passe par l'embouchure et devienne marin. Pour faire un petit peu mieux que le père. Dans le même secteur. Voilà. Et ensuite, vous vous trouvez à travers la philosophie, école normale, et le choix de la philosophie Hésitation entre philosophie, littérature, science ? Non. C'était la philosophie parce que, précisément, la question qui était posée était la question quoi au sujet de la science ? Non pas de la science comme méthode, comme résultat, comme concept, comme idée, mais quoi au sujet de l'articulation, du plongement de la science dans la société ? C'est-à-dire ce problème éthique, nous disons maintenant éthique de la médecine, éthique de la science, il s'est posé pour nous dès les années 45, 46, 47, et j'ai connu des scientifiques pour qui le problème de conscience avait été majeur à cette époque. Et c'est, je crois, cette fin de guerre qui m'a fait bifurquer de la science vers la philosophie. Et du coup, vers la philosophie des sciences, l'histoire des sciences, les problèmes de déontologie des sciences, et ainsi de suite. Et là, vous vous trouvez, Michel Serres, relativement isolé par rapport au territoire occupé par la philosophie officielle, ou que ce soit celle de Sartre ou celle universitaire, pour deux raisons. Oui. D'abord, parce qu'effectivement, vous voulez penser la science à l'intérieur de la philosophie. Oui, c'est ça. Premièrement. Et deuxièmement, vous ne voulez pas non plus simplement établir un dialogue entre la science et la philosophie, mais vous voulez intégrer toutes les voies de la connaissance. Exactement. Aussi bien les expériences esthétiques de l'homme, le droit, la cité, etc. Et si maintenant cette sorte de pluridisciplinarité commence fort heureusement à être un peu plus admise, elle ne l'était pas à l'époque où vous commenciez votre carrière d'enseignant. Non, elle n'était pas admise, elle n'est pas beaucoup encore admise. J'ai eu un certain nombre de chances. Pourquoi ? Parce que étant à l'école normale dans les années 50, il y avait là une vraie révolution concernant les mathématiques. Les gens se souviennent peut-être encore qu'à cette époque, il y avait ce qu'on appelait les mathématiques classiques et les mathématiques modernes. Et mes amis à l'école normale autour de moi étaient tous convertis aux mathématiques modernes. Et j'avais, en tant que provincial, une formation de mathématiques classiques et j'ai dû faire ma révolution, c'est-à-dire changer de mathématiques. Et vous savez, c'est une expérience extraordinaire. On dirait qu'un iceberg se retourne complètement. Vous étiez dans une mathématique et tout d'un coup, votre monde enchanté se transforme complètement et bascule dans un autre monde enchanté. Donc cette révolution a été aussi pour moi très décisive et j'ai eu une seconde chance d'en connaître une seconde parce que beaucoup plus tard, je suis devenu ami avec Jacques Monod et j'ai vu la biologie se transformer. Nous avions appris une biologie donnée et sous l'influence de Schrödinger, comme vous savez, son grand livre « What's Life », et puis sous l'influence de la chimie, biochimie, tout d'un coup, le vivant s'est transformé sous nos yeux autour des années 55-60. Vous voyez, mathématiques, biologie, et puis ensuite, il y a eu la grande révolution de la physique beaucoup plus tard. Donc, lorsque toute une discipline change de sens, alors les problèmes philosophiques apparaissent aussitôt. Et pour vous, il n'y a pas de philosophie pertinente qui refuserait d'intégrer ces différents éléments scientifiques ? Ah, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, dans la tradition philosophique depuis Platon, Aristote, Kant, enfin tous, sauf exception, la philosophie qui n'intègre pas la connaissance scientifique n'est pas tout à fait digne d'être appelée telle. Oui, mais quand on lit Platon, ce ne sont pas ses considérations sur la physique de l'époque qui nous intéressent, ce sont ses considérations sur l'âme humaine, sur l'amour, sur le destin. Certes, mais il y a aussi chez Platon un vrai mathématicien. Le Ménon est un dialogue mathématique, la République donne souvent des éléments. Il était géomètre, théorème. Comme la mathématique a évolué depuis, et que la mathématique des années 70 ou 90 de cette fin du siècle ne sera plus celle du 21e et du 22e siècle, quand on lira Michel Serres, on s'intéressera peut-être à autre chose qu'à ce qu'il nous dit sur une science qui sera dépassée. Que Dieu vous entende. Je n'ai peut-être pas l'espoir d'être lu au 22e siècle. On n'en sait rien. Si nous suivons cette hypothèse, la science est quelque chose qui par nature vieillit. Enfin, là, j'enfonce une porte ouverte. Pas tout à fait, parce qu'elle vieillit, bien entendu, mais à une époque donnée, elle est toujours porteuse d'un certain type de manière de raisonner, de manière de déduire, de manière d'expérimenter, qui porte un peu le raisonnement, l'ensemble des raisonnements sur les questions dont vous parliez, sur la connaissance, sur l'âme humaine, sur la vie, sur la mort, etc. Il y a une constitution par la science de la raison. Et la philosophie doit, d'une certaine manière, suivre des voies rationnelles, ou au moins raisonnables. Et pour les former, elle a besoin de la science contemporaine, je crois. Mmh. C'est la base, si vous voulez, c'est le socle, c'est ce sur quoi on peut bâtir sur des fondations stables. Après, en effet, on médite sur la... Il y a d'abord le savoir et ensuite la sagesse. Mmh. Le mot « sophia », en grec, philosophie, Sophia veut dire à la fois le savoir et la sagesse. Il faut commencer à avoir un peu de savoir fort pour monter une sagesse plus douce. Alors il y a chez vous également, Michel Serres, un souci pédagogique de transmettre cette connaissance à travers une très longue et très multiple expérience d'enseignant, donc homme qui transmet le savoir. Et puis, il y a aussi un certain souci de la vie de la cité. Je ne dis pas du tout de la politique, mais disons du politique. Nous pouvons prendre un ou deux exemples. Ne serait-ce d'ailleurs que cette collection aux éditions Fayard de mettre à la disposition de tout le monde aujourd'hui qui étudie la philosophie, les textes essentiels de la philosophie française. Oui, c'est aussi avoir une influence sur l'évolution de votre cité, de votre pays, puisqu'il est possible qu'après, en tout cas si l'opération fonctionne, on ne raisonnera plus, on ne se référera pas seulement aux textes de la philosophie allemande ou anglo-saxonne, mais on aura tout un corpus de philosophie de langue française. Volume. Oui. Et deuxièmement, à travers l'action que vous menez, par exemple, dans le cadre de l'UNESCO, certaines actions que vous faites pour essayer de mieux comprendre le monde qui est à venir, vous vous souciez à ce moment-là non plus de la cité d'origine, la vôtre, mais de la cité mondiale de l'homme. Oui. La cité de demain sera mondiale. Et je dirais aussi que votre combat en faveur de la langue française, avec beaucoup de vigueur, de plus en plus et de plus en plus de liberté, c'est aussi vous occuper de la cité. Il y a donc aussi tout cet aspect chez vous. Certainement, certainement. Il est vrai que l'enseignement de la philosophie est un enseignement d'abord un peu confiné dans l'école ou dans l'université. Et j'ai eu le souci de le porter le plus possible sur la place publique. En effet, vous avez raison. Et non seulement je dirige cette collection, le corpus des œuvres de philosophie, mais j'ai lancé il y a, voici 3 ans, chez Flammarion, la collection Domino qui est une collection plus scientifique, si vous voulez, sciences humaines et sciences dures, où il y a aussi une préoccupation pédagogique. Et puisque vous faites allusion à mes anciennes fonctions à l'UNESCO, il s'agissait pour moi d'inspirer à l'UNESCO l'idée de constituer une université à distance mondiale. Elle est d'ailleurs en formation, et c'est un peu sur cette lancée que j'ai pris quelques responsabilités à la 5e chaîne comme président du comité scientifique, où là aussi je désire que la pédagogie soit au service de tous, au moyen de tous les canaux possibles. Voilà. Pas seulement les canaux oraux, mais aussi les canaux de radio et de télévision. Michel Serres, une musique choisie par vous. Oui, j'ai tenu à choisir en effet une pièce du premier livre de Clavecin de Couperin, Premier ordre, parce que d'abord, je trouve que Couperin est un très très grand compositeur français complètement méconnu, hélas, il n'est pas assez joué. J'ai une grande admiration pour lui, pour ça, pour son écriture, qui me rappelle en grande partie le style de La Fontaine, comme ça, en transparence, en pureté, avec exactement le même type de mélancolie. Et cette musique me touche beaucoup. Je trouve d'ailleurs que sur les ondes en France, on donne très très peu de musique française, en proportion, je crois, à l'étranger, on en joue plus. En France, on en joue vraiment très peu. C'est un peu comme la philosophie. Les Français n'aiment peut-être pas trop leur culture. Il y a un thème qui revient très souvent chez vous, Michel Serres, c'est celui de l'invention. Oui. Alors, c'est un mot compliqué, à manier. C'est très difficile, avec des avec pincettes. Beaucoup de précautions. Voilà. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, c'est aussi quelque chose de très important. Nous avons parlé tout à l'heure de pédagogie. Rien n'est plus important que de transmettre des contenus de savoir, de transmettre un style, de transmettre un goût, de transmettre une langue. Mais la fin de la pédagogie, c'est-à-dire le but de la pédagogie, c'est d'une certaine manière la cessation de la pédagogie pour amener celui qu'on a formé d'abord à penser tout seul, et penser tout seul, c'est d'une certaine manière inventer sa vie, sa pensée, et ainsi de suite. Et je crois qu'une œuvre philosophique, aussi bien que littéraire ou artistique, doit être orientée vers cette nouveauté inventive, vers la création. Et c'est à cela qu'on reconnaît qu'un homme pense vraiment. Ce n'est pas parce qu'un homme cite ou répète ou dit des noms propres avec des citations qu'il pense. C'est justement au moment même où il s'arrête de citer, où il s'arrête de donner des noms propres, qu'il se met à se jeter lui-même dans la piscine du nouveau. Et je crois qu'en philosophie, il en est de même. J'ai commencé, comme tout le monde, à faire du commentaire. J'ai travaillé sur Leibniz, sur Kant, sur Nietzsche, sur bien des autres philosophes. Et à un certain moment, il faut passer, n'est-ce pas, il faut passer le cap et tenter de penser par soi-même. Parce que l'affaire est difficile à saisir. Autant une invention dans le domaine scientifique se voit. Avant, certes, il n'y a pas d'automobile, ensuite il y a l'automobile, exactement. Invention. Photographie, oui. Pas de photographie, photographie, invention, oui. Et on continue tous les jours dans le domaine, exactement, de l'informatique. Dans le domaine artistique, c'est plus compliqué parce qu'on, oui, peut faire effectivement, exact, n'importe quel gribouillage et l'appeler, oui, invention. Oui. Et puis parfois, on peut désarticuler complètement, que ce soit une, exact, véritable invention. Exact. Et c'est probablement seul le temps qui, au fur et à mesure, va finir par décidera. Décanter. Et, oui. Dans le domaine de la philosophie, c'est la recherche... C'est encore plus précis. Plus compliqué, probablement. Plus compliqué, ouais. Mais je dirais volontiers que si vous me posiez la question « qu'est-ce que la philosophie ?», je répondrais volontiers « la philosophie, c'est exactement l'anticipation du monde à venir ». C'est-à-dire, si vous regardez dans le passé, vous vous apercevez que le Moyen-Âge est dans Aristote. Et que, donc, Aristote a d'une certaine manière lancé le Moyen-Âge. Que toute l'ère moderne est dans Descartes. Que d'une certaine manière, Descartes a lancé le monde moderne. Et ainsi de suite. Et je crois qu'un philosophe qui n'anticipe pas... Alors, vous avez raison de dire telle invention se voit dans les mathématiques, en astronomie, en physique, en chimie, en biologie, etc. Mais où se place-t-elle ? Elle se place dans un monde. Eh bien, ce monde global où se placent les inventions locales des sciences, c'est la philosophie qui le produit. Le philosophe a à produire le monde de demain, le monde où nos enfants habiteront. Il a à bâtir la maison de ses enfants. Et je crois que tous les grands philosophes ont agi de cette façon. D'une certaine manière, Hegel a fait cela, Nietzsche a fait cela, Bergson aussi a fait cela. C'est-à-dire, ils ont bâti une manière de penser dans laquelle, tout d'un coup, nous nous trouvons habités. Nous habitons dans la maison que Bergson a construite. Alors là, vous prenez un risque terrible parce que vous me mettez en appétit. Et ma, oui, question est, quel est-il, ce monde à venir ? Eh bien... Je crois que... Là, vous allez m'accuser de faire de la publicité, mais à l'époque, dans les années 55, 65, 70, si vous vous souvenez de l'état des idées à Paris à cette époque, tout le monde pensait moyens de production, conditions de production, etc. Et c'est à cette époque-là que j'ai écrit mes 5 volumes qui s'appelaient Hermès, où il était question de communication, d'interférence, de traduction, c'est-à-dire de constitution d'un nouveau monde dont je disais qu'il serait le monde de la communication. Et en effet, 25 ans après, la réalité des choses a sanctionné cette espèce de prévision ou de prévoyance. Vous voyez, et donc, j'ai fait... d'ailleurs, mes éditeurs me plaignaient beaucoup de parler d'Hermès, quelle idée, etc. Hermès, c'est le dieu de la communication, comme vous le savez, c'est le dieu des messagers, de la messagerie, des messages. Et aujourd'hui, nous vivons dans une messagerie universelle. Nous sommes tous des messagers, vous et moi, porteurs de messages. Oui, c'est ce que vous nous expliquez dans votre ouvrage intitulé La légende des anges. Mais dans d'autres textes, vous montrez bien comment les abus de cette communication vous semblent complètement déplorables. Oui, mais donc absolument. Vous avez prévu quelque chose qui venait et maintenant vous êtes obligé de reprendre votre bâton de pèlerin attention. Non. Dès le début, j'avais dit Hermès est le dieu des messagers, le dieu des traducteurs, le dieu des intervenants, mais c'est aussi le dieu des voleurs. Et par contre, les anges sont de bons anges, les séraphins, les chérubins, mais c'est aussi des mauvais anges qui vont chuter. Et par conséquent, le monde de la communication n'est pas un monde, comme je le disais tout à l'heure, de la science, qui est tout bon et seul bon. Non, pas du tout. C'est un monde qui a son côté pile et son côté face, son côté de clarté, son côté d'ombre. Par conséquent, je reprends au début, je crois encore et je fais comme si la philosophie était... cette anticipation-là. Et dans les années 60, je le répète, je crois avoir en effet prévu la maison qui serait la nôtre dans les années 80-90, voilà. Qui est la maison de la messagerie. Et maintenant, dans les années 90, je crois que cette qu'est-ce que vous nous dites pour les années 2020? Je crois que la société de communication dans laquelle nous vivons, est en train de muter de nouveau et qu'elle elle est en train de transformer le travail. Vous verrez, dans La légende des anges, je fais toute une histoire du travail, où je montre à quel point, sous l'influence de la messagerie, le travail se transforme, que la ville se transforme, que l'espace se transforme, et que nous allons, je crois, vers une société où, de plus en plus, la pédagogie, l'enseignement, etc., sera la valeur la plus importante. Et qu'il faut donc modifier. Là, je l'ai décrit dans un livre qui s'appelle Atlas, où je pense, en effet, que l'espace, la ville, la rue, l'enseignement, etc., vont se transformer de façon décisive dans les années à venir. Et à travers le tiers instruit, vous nous montrez aussi comment la pédagogie doit complètement suivre ce mouvement. Ce mouvement-là, oui, exactement. Donc, il n'y a rien en philosophie qui ne soit de l'invention. Vous voyez, que l'invention est ce à quoi on reconnaît la philosophie. Et Gilles Deleuze disait, un philosophe doit non seulement produire des concepts, mais il employait un mot qui me plaît beaucoup, et j'aime bien le citer, il faut qu'il invente des personnages conceptuels, disait-il. Et je n'ai connu cette expression de Deleuze que récemment, et je suis content qu'il l'ait dit, parce que j'ai l'impression que le parasite... j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Parasite. C'est un personnage conceptuel que les anges, que j'ai repris à ma... que Hermès était un personnage conceptuel, que les anges sont des personnages conceptuels, vous voyez. Pas seulement des concepts ou des idées, mais aussi des personnages vivants qui symbolisent et qui réalisent, qui font rentrer le concept dans la chair. Vous voyez. Donc là, il y aurait une articulation entre le philosophe et le politique, le philosophe pensant le monde à venir, et le politique étant ensuite chargé de trouver, si possible, les lois, l'organisation sociale, l'organisation économique qui correspondraient. Le juriste et le politique sont en effet chargés de l'anticiper, d'aménager les appartements de la dite maison. Mais le politique ne le fait pas. Ou si mal. C'est pas à moi à le juger vraiment. Le voyez, on le constate, qu'ils sont incapables d'anticiper, qu'ils sont quand même à la remorque de l'économique et du scientifique. Exactement. On le voit bien. Oui, on le voit, et c'est dommage parce que il me semble que maintenant on voit assez clairement les tendances globales dans lesquelles nous dirigeons et comment on pourrait réagir agir dans ces tendances-là. On le voit assez clairement. Comment, pour arriver à ces constatations, à ces analyses, fonctionne chez vous la part intuitive et artistique et la part raisonnable? Tout à l'heure, vous nous avez dit que toute votre démarche est une démarche vers la raison. Oui, bon, que la science m'y aidait. Voilà. Oui, pendant que nous avons écouté la musique, j'ai entendu de vous une phrase qui m'a étonné, qui m'a enchanté en même temps. Vous m'avez dit que vous auriez aimé être compositeur de musique parce que là, vous auriez pu dépasser le sens ou être en tout cas en dehors du sens. Mm-hmm. Et on voit bien à travers votre texte sur Carpaccio ou de très nombreux textes de vous, des études littéraires, des cinq sens, que chez vous, il n'y a pas une raison froide qui serait indépendante de l'intuition, du sens poétique, voire du sens spirituel. Oui, voilà. Alors, comment, en quelque sorte, établir les différentes fonctions qui sont propres à l'homme pour arriver justement à philosopher? Je crois que l'addition ou la synthèse, au sens que vous décrivez, de la raison scientifique d'une part et d'autre part de la littérature ou des arts, puisque vous citez la musique, n'est pas un phénomène complètement nouveau en philosophie. Si vous regardez la vieille tradition de Platon ou de Nietzsche ou de Leibniz même, et de Bergson encore, et puis il faut le dire aussi de la tradition de la philosophie de langue française, type Montaigne, type Diderot. Mais, Diderot, je prends cet exemple au hasard, était un bon scientifique, c'était un homme averti de mécanique et de chimie et qui parlait avec passion, d'un côté avec D'Alembert qui était un bon mathématicien mécanicien, de l'autre côté avec Bordeux qui était le meilleur des médecins de cette époque. Et donc il avait un dialogue encyclopédique très solide, puisqu'il est l'auteur avec D'Alembert de l'encyclopédie, il avait une sorte de socle encyclopédique rationnel très solide, et cela ne l'empêchait pas d'écrire divinement, d'avoir une correspondance avec Sophie Volant qui comporte les plus belles déclarations d'amour que la langue française ait jamais écrites, d'être un homme absolument passionné par les expositions de peinture, puisqu'on a de lui les fameux salons, et ainsi de suite. Donc, le fait que la philosophie ne choisisse pas, c'est-à-dire soit complète, part en effet du socle scientifique et se développe en effet jusqu'aux confins de l'invention artistique et de la création artistique. Mais il n'y a pas de fiction chez vous? J'ai écrit un livre qui s'appelle Détachement, qui comporte quatre nouvelles, oui. Et je déteste pas de temps en temps glisser un petit récit dans un livre. Voilà, dans un récit des images. Des récits. Et comme vous disiez tout à l'heure, des figures, effectivement. Des figures, proviennent plutôt d'une intuition de type poétique qu'effectivement d'une analyse. Vous avez raison de poser la question, il faut bien interroger le mot poétique. Parce que il se trouve que la poésie, qui a pris le sens que vous savez en français, vient d'un mot grec, poiesis, qui veut dire fabrication, création. Et en effet, lorsqu'on fabrique son monde, lorsqu'on bâtit la maison dont nous venons de parler, avec les bases scientifiques et une sorte de toit artistique ou esthétique, lorsqu'on bâtit cette maison-là, en effet, on fait de la poésie, c'est-à-dire on fabrique, on construit. Et à beaucoup d'égards, je ne me suis jamais considéré comme un intellectuel, comme on dit dans les journaux. Un écrivain est un manuel. Un homme qui aime écrire avec la main, fabriquer un objet qui s'appelle le livre. Et cette fabrication d'un objet est une grande jouissance poétique, vous voyez, de faire avec les mains, vous voyez, un peu comme un artisan fait un soulier, fait une table, vous voyez, un artisan menuisier ou cordonnier. Bon, on sent chez vous que la recherche de la forme est très importante dans votre ouvrage. Il n'y a rien de plus important que le travail de la musicalité d'une phrase, parfois de sa complexité, hein, parce que vos phrases ne sont pas toujours aussi simples que les éloges que vous faites parfois des phrases simples. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bon, mais parce que vous voulez épouser une réalité complexe est très importante, et que votre phrase a besoin de suivre probablement les méandres de la réalité. Exactement. C'est une phrase très travaillée. Oh oui, je travaille beaucoup, ça, oui. Alors, vous savez, je ne fais que ça dans ma vie, travailler, c'est-à-dire... Vous enseignez, on vous voit au four et au moulin, on vous voit... Mon métier est essentiellement d'écrire, c'est-à-dire je me lève très très tôt le matin et j'écris tous les matins, de 5h à midi. Donc ça fait vraiment un très très gros travail. Vous savez, quand on écrit, entre 6 et 7 heures par jour, il est très rare qu'on produise plus d'une page, une demi-page. 7-8 heures pour une page, voilà, c'est ça à peu près le tarif. Et c'est très très dur. Et chez vous, un grand plaisir dans le mot? Je vous ai dit tout à l'heure en confidence, puisqu'on était, en dehors de la ligne, que j'aurais en effet aimé être compositeur de musique, parce que très souvent, l'idée, quand elle vous vient, prend le corps. L'idée prend le corps entier et donne au corps une sorte de gestuelle et de mobilité un peu fluide, dont la première expression est en effet musicale. Votre dernier ouvrage, Michel Serres, Éloge de la philosophie en langue française, publié aux éditions Fayard, chez le même éditeur, qui publie donc le corpus des œuvres de philosophie en langue française. Cet ouvrage commence par une description de la France et vous essayez de nous expliquer pourquoi justement cette France qui est très unie, par rapport, unifiée par rapport à ses voisins, qui ont tous des problèmes d'unité que nous n'avons pas, que nous n'avons plus, pourquoi justement il y a presque une sorte de détestation des Français pour eux-mêmes. Détestation est un mot peut-être un tout petit peu fort. Voilà, c'est ça. Je pousse un peu loin le bouchon. Mais ce qui me frappe beaucoup en voyageant, c'est de m'apercevoir que l'Angleterre a encore le problème de l'Irlande. L'Allemagne se reconstitue qu'à un cas, elle était quand même divisée en deux, que l'Italie est quand même divisée entre le Nord et le Sud, le Mezzogiorno, c'est pas tout à fait l'Italie du Nord ou la plaine du Pô, n'est-ce pas, que l'Espagne a encore des irrédentismes de type catalan ou basque, et ainsi de suite, et qu'à certains égards, quand on entend le bruit à Oklahoma City de ce qui s'est passé dans cette fureur antifédérale aux États-Unis, nous n'avons pas ces problèmes d'unité. Et d'une certaine manière, ou encore plus l'URSS, bien entendu, ou la Yougoslavie. Donc, la France a fait son unité, c'est même un des rares pays unifiés du monde. Seulement, cette unité se paie. Et elle se paie de façon très, très dure. Et je me souviens, quand j'étais marin, j'avais mis la main dans un vieux répertoire de textes oubliés ou de télégrammes oubliés de la marine, sur un texte de l'amirauté anglaise qui disait « Attention, attention, si vous avez les Espagnols contre vous, si vous avez les Hollandais contre vous, si vous avez les Suédois contre vous, envoyez toute la flotte. Mais si vous avez les Français contre vous, vous savez, il suffit d'attendre. » Et à ce moment-là, les royalistes extermineront les républicains. Les royalistes sont déjà divisés en orléanistes et en légitimistes. Attention, les républicains sont déjà divisés entre montagnards et girondins. Et laissez-les se battre les uns les autres. Et une fois qu'ils se seront battus, vous envoyez un vague bateau qui prendra possession des terrains complètement libérés par leur dissentiment. Et ça m'avait beaucoup frappé, ce message de l'amirauté anglaise, parce que, en effet, je m'aperçois que cette espèce de bataille intérieure qui se voit tout le temps sur les sur les ondes, puisque nous n'avons jamais de mots assez durs pour caractériser nos habitudes, notre politique, notre art, notre enseignement, etc., nos autoroutes, ça va toujours très mal, et on s'aperçoit que ça va quand même beaucoup mieux que dans beaucoup d'endroits, mais cette espèce de critique permanente de nos propres habitudes nous caractérise. Et je dis souvent que nous payons notre unité par cette espèce de lutte permanente, voilà, de lutte de tous contre tous. Et ce serait une des raisons pour lesquelles on aurait oublié ce fonds extraordinaire, extraordinairement riche qu'on redécouvre grâce à vous, de philosophie française. Et oui, parce qu'il est composé. Ce serait un peu vendu à une autre philosophie. Mais, vendu, c'est beaucoup dire, mais il se trouve, si vous voulez, que cette philosophie est en effet composée de catholiques qui détestent les protestants et de protestants qui luttent contre les catholiques, d'hommes de droite qui luttent contre les hommes de gauche et des hommes de gauche qui luttent contre les hommes de droite, et ainsi de suite, des curés, des athées, et ainsi de suite. Et par conséquent, en effet, par ces combats locaux, un oubli, peu à peu, s'était formé au-dessus de ce trésor extraordinaire. Mais vous savez, ce n'est pas seulement le cas de la philosophie. Savez-vous, par exemple, que beaucoup de gens m'ont demandé, lorsque ce corpus a commencé à avoir quelques succès, et surtout quelque importance, m'ont demandé en suppliant de prendre la tête d'un corpus des œuvres juridiques de langue française qui manque, qui n'existe pas, et même, aux surprises, de prendre la tête d'un corpus d'édition musicale d'écrivains, de compositeurs de langue française qui n'existent pas non plus. Savez-vous, par exemple, que les œuvres complètes de Bizet ne sont pas publiées, les œuvres complètes de Couperin ne sont pas publiées, les œuvres complètes de Rameau ne sont pas publiées, alors que nos voisins allemands, sagement, ont de magnifiques éditions de type pour Bach, pour Schubert, et ainsi de suite, puisqu'on dit toujours le nom de celui qui a fait le catalogue. Voyez. Donc, nous manquons de ça, et j'ai fait... c'est beaucoup dire, parce que nous sommes quand même un groupe d'amis, une dizaine d'amis qui travaillons à ce corpus, et nous sommes assez fiers, en effet, d'être arrivés au 100e volume, sans trop d'anicroches. Ça y est, nous y sommes arrivés. Alors, d'un côté, les combats idéologiques très violents, très forts entre Français, mais d'un autre côté, une idée que vous développez, Michel Serres, dans cet ouvrage, consiste à rappeler que aucun despotisme terrible ne peut s'appuyer sur une œuvre de philosophie française. Exactement. Oui. Exactement. Alors, ça, je suis content de le dire. C'est justement parce que le philosophe est celui qui va au-dessus, probablement, de ces querelles. Mais c'est-à-dire, lorsque j'ai fait mon livre, je me suis appuyé sur des travaux que nous avions faits en groupe concernant les biographies de ces philosophes. Savez-vous, cher ami, que sur 100 philosophes que nous avons publiés, plus de 50 ont été des exclus, ont été mis à la porte, ont été emprisonnés, ont été brûlés, etc. Enfin, brûlés leurs œuvres. Et de sorte qu'on s'aperçoit, si vous voulez, que ces guerres intestines avaient mis ces gens-là en dehors des batailles. Mais c'est ça. Donc, penser, c'est penser contre le consensus ou contre son propre clan. Même. Voilà, mais penser au-dessus de la bataille. Vous savez, par exemple, qu'une partie de ces livres ont été écrites, j'ai retrouvé grâce à cela ce beau mot de banlieue. Vous savez ce que veut dire en français le mot banlieue ? Ça veut dire le lieu de ban. Le ban, c'est le bannissement, le lieu où on met les bannis. Et la plupart des livres de philosophie de langue française ont été écrits en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Italie, au Danemark, en Allemagne, en Russie. Si on avait banni le philosophe et qu'une fois banni, il écrivait en effet en français. Et vous rappelez que vous ne le saviez pas d'ailleurs quand je ne savais pas. Bien vie, et heureusement, parce que sinon vous auriez pu peut-être éventuellement l'orienter dans tel ou tel sens. Exactement. Là, c'est a posteriori que vous êtes rendu compte. Je me suis rendu compte exactement de ça. Phrase de vous. Un vrai philosophe essaie, littéralement, l'expérience de penser pour soi et librement. Peu lui chaud de recruter, pour les envoyer au feu, des moutons obéissants. Voulez-vous penser ? Exposez-vous donc d'abord au risque majeur de la désobéissance, en amont comme en aval. Pas de maître, certes, mais pas d'esclave, aussi bien. Alors, à partir de cette phrase, on peut se dire que ceux qui prétendent penser et que l'on voit s'agiter dans les médias, ne sont pas des penseurs. Qui se débrouille Vous le dites bien dans le livre. Oui. Là, je n'extrapole pas votre pensée. Non, vous n'extrapolez pas du tout. C'est très présent dans ce livre. C'est très présent dans le livre. C'est ce qui le rend justement très vigoureux. Tonique. Oui, très tonique. Pas de maître, pas d'esclave. Et en effet, vous avez tout à fait raison de dire que... on n'a jamais tué au nom d'un philosophe de langue française. On n'a jamais versé de sang au nom de Montaigne, au nom de Diderot. On n'a jamais versé de sang au nom de Maine de Biran ou de Bergson. Et ça, c'est peut-être ce dont la France peut être le plus fière. Parce que, effectivement, vous pouvez trouver beaucoup de philosophes ou d'idéologues qui ont levé des bannières telles que, en effet, les gens se sont étripés à cet égard. Non, le philosophe de langue française est en dehors de ces crimes-là. Dans le titre, Éloge de la philosophie en langue française, retenons le mot langue, et je vous cite Michel Serres, « Voilà le traditionnel, au contraire, et même la ligne spécifique de langue française. » Que de ne pas séparer ce que l'université, depuis quelques décennies, découpe. Originalement, notre langue recommande la prose abstraite, vive et claire, où la spéculation se fond dans la narration indissociablement. Elle ignore le divorce entre un récit résolument ignorant et l'obscurité du cliquetis philosophique à lexique technique pseudo-scientifique et idéologique, terroriste, réservé à usage interne, consolidant les pouvoirs d'un groupe de pression du concept. Donc, à travers cet ouvrage aussi, c'est un éloge d'un certain génie de la langue française et, je dirais, de la rencontre, justement, à la fois de la clarté du spéculatif et aussi d'une promenade plus littéraire. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire, d'ailleurs, nous en avons souffert aussi. C'est-à-dire, dans l'université, nous hésitons souvent et nous ne savons pas dans quelle classe... au sens de la classe des élèves, enseigner Montaigne, Diderot, Voltaire. Rousseau. On ne sent pas dans quelle classe, parce que Rousseau, aussi bien que Montaigne, sont à la fois ce qu'on appelle, hélas, aujourd'hui, des littéraires et des philosophes. Et ils sont étudiés à la fois d'un côté et de l'autre, ou dans aucun des deux. Voilà, et c'est pour vous un patrimoine très précieux. Très précieux. Qu'il faut conserver, oui. Oui, c'est ça. Où le littéraire et le philosophe ne font pas, et ils sont une seule et même personne. Voilà. Et ça correspond d'ailleurs à votre tentative, à vous, bien justement. Sûr. Je fais partie de cette tradition, et je suis fier d'en faire partie, et je veux bien continuer à en faire partie, bien entendu. Ainsi se termine Fort Intérieur. Notre invité était Michel Serres. Une émission d'Olivier Germain-Thomas préparée avec la collaboration de Caroline Cléricy, à la technique Michel Bertin, chargée de réalisation Nathalie Trianda-Philides. Je l'ai dit au début, l'œuvre de Michel Serres est très abondante. Quelques conseils de lecture. Tout d'abord, le dernier ouvrage de Michel Serres, un livre très vigoureux, « Éloge de la philosophie en langue française », publié aux éditions Fayard. Et puis, je citerai bien sûr « La légende des anges » sur la communication, mais prise à sa manière, c'est-à-dire d'une manière à la fois ludique et esthétique et pleine d'imagination. Je citerai donc les 5 volumes d'Hermès, publiés aux éditions de Minuit, Genèse aux éditions Grasset, Les 5 sens chez Grasset, Statue chez Bourin, Le contrat naturel chez Bourin, qui est très traduit dans de très nombreuses langues, Le tiers instruit sur l'enseignement, ou plutôt sur la transmission du savoir, aux éditions François Bourin. Pour avoir la bibliographie complète de Michel Serres ainsi que celle de nos autres invités, vous pouvez soit nous écrire à Fort Intérieur, France Culture, 116 Avenue Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16, ou bien composer sur votre Minitel le 36 15, code France Culture, rubrique émission, choix bibliographie, tout cela pour 1 franc 29 la minute.